Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Eh bien, bonjour à vous, bonjour Lola, bonjour Asmi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre troisième émission. Je suis Asmik et aujourd'hui je suis accompagnée de Lola, Quentin, Jean-Paul et Elliot. Et ensemble nous allons aborder un sujet crucial et malheureusement toujours d'actualité, les inégalités de richesse et de patrimoine. J'ai choisi ce sujet parce qu'il touche profondément notre société, que l'on parle de répartition des richesses à l'échelle mondiale ou au sein d'un même pays. Ces inégalités ont un impact direct sur l'accès à l'éducation, à la santé, au logement et même aux opportunités professionnelles. Les écarts se creusent et il est essentiel de comprendre pourquoi et comment ces mécanismes fonctionnent. Et juste avant de commencer, je voulais adresser un petit message en arménien à ma famille. Pale fayastan yel pale imsileli antanik. Et voilà, on entend souvent parler d'inégalités de richesse et de patrimoine, mais avant d'aller plus loin, je pense que ça serait bien de définir précisément ces notions. Alors, quand on parle d'inégalités de richesse, on fait référence aux écarts de revenus, c'est-à-dire l'argent qu'une personne gagne grâce à son travail, ses investissements, etc. Par contre, les inégalités de patrimoine concernent tout ce qu'une personne possède, biens immobiliers, épargne, actions, entreprises. Donc le patrimoine se transmet souvent de génération en génération, ce qui creuse encore plus les écarts entre les riches et les pauvres. Exactement. Et pour illustrer ce point, je vais prendre l'exemple de deux personnes gagnant exactement le même salaire, disons 2000 euros par mois. À première vue, elles ont le même niveau de richesse. Mais imaginons que l'une d'elles possède un appartement qu'elle détient d'un héritage familial, alors que l'autre personne doit payer un loyer chaque mois. La première personne, grâce au patrimoine qu'elle possède, pourra épargner davantage d'argent ou bien investir ailleurs, tandis que la seconde aura plus de difficultés à épargner. C'est pour ça que le patrimoine permet à certains de s'enrichir beaucoup plus vite que d'autres, même à salaire égal. Justement, quand on regarde les chiffres, on voit que ces écarts sont énormes. Selon les études récentes, 1% des personnes les plus riches possèdent presque deux fois plus de richesses que 90% de la population mondiale réunie. Avec une précision, c'est qu'avec 2000 euros en France, on fait déjà partie des 10% les plus riches, c'est absolument dingue. Et ce qui est aussi frappant, c'est que cet écart ne cesse d'augmenter. Il y a de plus en plus de milliardaires alors que c'est des millions de personnes qui peinent à subvenir à leurs besoins essentiels. Exactement. Mais alors d'où viennent ces inégalités? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, le système économique favorise souvent l'accumulation des richesses entre les mains de ceux qui possèdent déjà un capital. Ensuite, l'héritage et la transmission du patrimoine jouent un rôle majeur. Donc une personne née dans une famille aisée a plus de chances d'accéder à une bonne éducation et un réseau influent. Et enfin, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux permettent aux grandes fortunes de minimiser leurs contributions, ce qui creuse encore l'écart avec le reste de la population. D'ailleurs, pour définir un paradis fiscal, c'est un pays ou un territoire où les impôts sont très faibles, voire inexistants, et où les règles financières sont très opaques. Les grandes entreprises et les ultra-riches y placent leur argent pour éviter de payer les impôts dans leur propre pays. Sans oublier qu'il y a des spécialistes de l'évitement fiscal qui s'appellent KPMG, des grands groupes, dans ces paradis fiscaux. C'est un système très ancré à combattre résolument. Oui, d'ailleurs, en parlant d'optimisation fiscale, il est aussi intéressant d'évoquer les niches fiscales. Ce sont des dispositifs légaux qui permettent aux particuliers ou aux entreprises de réduire leur imposition en bénéficiant d'avantages fiscaux spécifiques, comme des réductions d'impôts pour certains investissements ou dons. Si elles peuvent encourager des secteurs stratégiques, elles sont parfois critiquées pour profiter davantage aux plus aisés et creuser encore plus les écarts de richesse. C'est un problème économique majeur parce que cet argent qui échappe aux États pourrait être utilisé pour financer par exemple des services publics comme l'éducation ou encore la santé. Merci pour ces précisions. On va marquer une première pause musicale et on se retrouve juste après pour continuer ces discussions. Ok, Coconut Man. Good time. dragons, I'm leaving to Mars. Yeah, we leaving across these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. Nah, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. Nous sommes de retour et je voulais vous dire que j'ai choisi Price Tag de Jessie J parce qu'elle illustre parfaitement le sujet des inégalités de richesse et la place excessive que l'argent occupe dans notre société. La chanson critique la course au profit et rappelle que le bonheur ne devrait pas se mesurer en termes de richesse matérielle. À travers ses paroles, elle invite à une réflexion sur nos valeurs et sur l'impact des inégalités économiques. C'est un message fort qui correspond bien à notre discussion d'aujourd'hui, je pense. En plus de ça, c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée quand j'étais petite sans vraiment comprendre le message à l'époque. Et aujourd'hui, en la réécoutant avec du recul, je réalise à quel point ces paroles font écho aux inégalités dont on parle. C'est intéressant de voir comment une chanson peut prendre un tout autre sens en grandissant et en prenant conscience des réalités du monde qui nous entoure. Donc on continue de parler des inégalités de richesse et de patrimoine, et maintenant il est intéressant de comprendre quelles sont les conséquences concrètes sur nos vies. D'abord, elles alimentent un cercle vicieux. Les personnes en situation précaire ont plus de difficultés à accéder à des études supérieures ou à créer leurs entreprises, tandis que les plus riches peuvent faire fructifier leur capital facilement. Et puis ça ne concerne pas que l'économie. Ces inégalités ont aussi des conséquences sociales et politiques, notamment en accentuant les tensions, les frustrations, et peuvent même provoquer des crises ou des mouvements de contestation. Exactement. Et on l'a vu ces dernières années avec des manifestations contre l'austérité, les revendications pour plus de justice fiscale. Quand une toute petite partie de la population concentre la majorité des richesses, ça crée un sentiment d'injustice très fort, je pense. Ouais, une vraie distorsion qui crée des conflits. Oui, voilà. Mais alors, comment pourrait-on réduire ces inégalités ? On a plusieurs pistes qui sont envisagées. Une meilleure taxation des grandes fortunes et des multinationales. Aussi, un salaire minimum décent pour tous les travailleurs. Et des services publics gratuits ou abordables, notamment dans l'éducation et la santé. Mais il faut aussi comprendre pourquoi la fiscalité joue un rôle clé dans la réduction des inégalités. En fait, les impôts permettent la redistribution des richesses. Et donc, si les personnes les plus aisées et les grandes entreprises payent justement leur part, cela permettrait à un bon nombre d'infrastructures publiques d'aider les personnes les plus précaires à s'en sortir. Mais quand les impôts sont mal répartis, ce sont surtout les classes moyennes et populaires qui portent le poids de la contribution, tandis que les plus riches trouvent des moyens d'y échapper avec notamment les paradis fiscaux et l'optimisation fiscale. Voilà, exactement. Et avant de conclure, je voulais vous faire voyager un peu à travers ma culture. L'Arménie a une richesse musicale incroyable et pour cette deuxième pause, je vous propose d'écouter un morceau arménien. baisser. Tous terceles s'enlèvent mes ne careles tu me sauver. Tu devais laisser avoir tout même qu'est-ce ou que peut-être que l'inquiète. Vraiment excellent ce mix. Merci. C'est un morceau récent Pas trop. Ça s'appelle Jamanak, qui veut dire temps. Mm-hmm. Et ça parle de la perte de l'amour et de la chaleur humaine dans un monde qui semble de plus en plus froid et déshumanisé. Et elle questionne où sont passées les chansons, les paroles et l'amour qui animaient les générations précédentes. Et les paroles font référence à la nostalgie d'un temps où les gens prenaient l'amour, la solidarité et la paix. La chanson déplore aussi la transformation des humains en robots, accrochés aux biens matériels et oubliant les valeurs essentielles comme l'amour sincère et l'humanité. Donc j'ai choisi cette musique juste parce qu'elle me touche énormément sur un plan personnel et cette chanson représente pour moi un lien fort avec mes racines et ma culture arménienne. Et c'est aussi un moyen de partager avec vous ma culture. Au début, j'avais choisi cette chanson juste parce que c'est une chanson que j'apprécie beaucoup, sans vraiment réfléchir à son lien avec le sujet. Mais en l'écoutant à nouveau, je me rends compte qu'il y a un lien subtil avec notre discussion. Juste. Oui, voilà. Vu que la chanson parle de la perte de l'amour et de l'humanité dans un monde où les valeurs essentiels sont parfois oubliés. Cela fait écho à la manière dont les inégalités de richesse et de patrimoine peuvent créer des divisions entre les gens. Même dans les familles, ouais. Et voilà, éloignant l'humanité et la solidarité. Et en fin de compte, c'est l'amour, la solidarité et l'empathie qui peuvent combler ces écarts et restaurer un équilibre plus juste. Les inégalités de richesse et de patrimoine sont un défi majeur pour nos sociétés. Elles affectent profondément l'accès aux opportunités et creusent des divisions. Mais des solutions existent, une meilleure redistribution des richesses et une fiscalité plus juste. À nous de comprendre ces enjeux pour espérer un changement. Effectivement, ces inégalités ne sont pas immuables. La solidarité et notamment une redistribution équitable peuvent vraiment faire la différence. Il est essentiel d'agir à la fois individuellement et collectivement pour un monde plus juste. Merci Lola. Et maintenant, je vous laisse avec Quentin qui va nous parler du travail de Oxfam pour lutter contre ces inégalités. Oxfam est bien loin de se contenter de simples constats, mais agit concrètement pour faire bouger les choses. L'une de ses armes les plus puissantes, ce sont ses rapports chocs. En 2017, Oxfam publie une étude qui fait l'effet d'une bombe. Les 8 hommes les plus riches de la planète possèdent autant que les 3,6 milliards de personnes les plus pauvres. Un chiffre qui a à lui seul l'ampleur du problème et qui met la pression sur les décideurs politiques. Chaque année, à l'occasion du Forum économique mondial de Davos, l'ONG publie un nouveau rapport sur les inégalités. En 2020, elle révèle que 1% des plus riches ont capté plus du double de la richesse créée que 50% de la population mondiale. Une inégalité flagrante qui montre l'urgence d'une réforme fiscale mondiale plus juste. Mais Oxfam ne se contente pas de dénoncer, elle propose des solutions. L'organisation milite activement pour une taxation plus équitable des grandes fortunes. En France, elle a récemment interpellé le gouvernement sur les niches fiscales qui favorisent les ultra-riches et plaidé pour le retour d'un véritable impôt sur la fortune. Au-delà des études et du plaidoyer, Oxfam est présent sur le terrain et participe à des festivals comme Solidays et Wheel of Green, sensibilisant ainsi un large public aux enjeux économiques et sociaux. Elle mobilise également les citoyens en les encourageant à signer des pétitions et à interpeller leurs élus. Grâce à ces actions combinées, rapports, plaidoyers, mobilisation citoyenne, Oxfam joue un rôle majeur dans la lutte contre les inégalités économiques. Son objectif est clair, faire pression sur les gouvernements et les grandes entreprises pour un monde plus juste et équitable. Merci Quentin. Merci. Et nous arrivons à la fin de cette émission. Ce qu'il faut retenir, c'est que les inégalités de richesse et de patrimoine ne sont pas une fatalité. Elles sont le résultat de choix économiques et politiques. Et nous avons le pouvoir d'agir, notamment en nous informant et en soutenant des initiatives qui encouragent une répartition plus juste des richesses. Donc merci à Lola, Quentin, Jean-Paul et Elliot, notre technicien, d'avoir partagé cette discussion avec moi aujourd'hui. Merci aussi à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous. À très vite. À très vite.